Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. On va parler avec notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, cette semaine, je vais donner crédit à Jérôme Landry de Radio Énergie à Québec que j'ai écouté. Et il se posait la question, ce serait peut-être le temps qu'il y ait quelque chose pour Patrick Roy à Québec, je ne sais pas, une statue, un nom d'un amphithéâtre, peu importe. Puis curieusement, Mario Lemieux, il n'y a absolument rien au Québec, et pourtant c'est le meilleur joueur de l'histoire du Québec. Es-tu surpris de ça un petit peu? Ben oui et non. Dans le cas de Mario, écoutez, il a joué 2 ans junior, après ça il a disparu, il n'a jamais été au Québec après. Il n'a pas été présent, il demeure à Pittsburgh, il est resté aux États-Unis, il n'a jamais été très impliqué dans la collectivité au niveau comme Guy Lafleur l'est, Lafleur est souvent présenté un peu partout dans les amphithéâtres avec les anciens Canadiens ou des choses comme ça. Dans le cas de Mario Lemieux, écoutez, il est allé jouer à Pittsburgh, il s'est retiré, il est revenu, il est devenu propriétaire des Pingouins. Après ça, au Québec, là, puis deux... Mario Lemieux, c'est pas le gars le plus vendeur au monde. Tu sais, je veux dire, par là, il s'est pas présenté souvent dans des activités. Il y a 2 semaines, il était au gala des Rondelles d'Or parce que c'était quand même le 50e de la Ligue junior majeure du Québec et il était là avec de nombreux invités. Mais je t'avoue honnêtement, je dis pas qu'il ne mérite pas, là, loin de là, parce qu'effectivement, ça a été l'un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Un des grands joueurs dans la Ligue nationale de hockey, il faut le dire aussi. Mais effectivement, s'il y avait quelque chose, ce serait dans la région de Montréal, dans la région de Laval, parce qu'il a joué avec Laval. Est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose à son nom, l'aréna Mario Lemieux, pourquoi pas? Écoutez, Pat Burns a son amphithéâtre. Il y en a plusieurs qui ont des amphithéâtres à leur nom. Donc, je verrais pas pourquoi Lemieux aurait pas son amphithéâtre à quelque part. Ici, à la baie, écoutez, on a Jean-Claude Tremblay. On vient de donner Dean Bergeron. Michel Goulet, je pense qu'à Goulet Saint-Jean, en a un, hein? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, Michel Goulet. Donc, tu sais, Mario Tremblay à Alma, il y en a un. Moi, je pense que, à quelque part, un jour, Mario Lemieux, il n'y a même pas de trophée Mario Lemieux dans les juniors majeurs du Québec. Non, c'est pour ça que je te dis, tu sais, il devrait avoir un trophée Mario Lemieux, il devrait avoir quelque chose. Mario Lemieux, tu sais, le meilleur marqueur, t'as Guy Lafleur, t'es difficile de tasser ça. Enlever ça. Donc, c'est pour ça que je te dis que, puis, quand le trophée Guy Carbonneau, Carbo a marqué l'histoire de la Ligue junior majeure, par son style dans la Ligue nationale, il est devenu un joueur très défensif. Donc, on remet ce genre de trophée-là dans la Ligue junior majeure. Ça identifie bien Guy Carbonneau. Tu donnais ça à Mario Lemieux, on dirait, ça n'a pas de rapport, là. Il n'a pas joué comme ça dans la Ligue nationale. Mais dans le cas de Mario Lemieux, je peux pas dire qu'il mériterait pas son nom, mais où est-ce qu'on pourrait donner un amphithéâtre, ça, moi, je pense qu'un jour ou l'autre, ça va arriver dans la région de Montréal ou Laval, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais, tu sais, quelque part, c'est parce que Mario, c'était quand même, tu sais, je veux dire, C'est l'un des grands joueurs de l'histoire de toute la Ligue nationale, là. Ça, il n'y a aucun doute. Dans les séries Canada, c'était le joueur par excellence avec Wayne Gretzky. Dans les juniors majeurs du Québec avec Lafleur, ce sont les deux grands joueurs de l'histoire de la Ligue. C'est sûr qu'à quelque part, je pense que Lemieux mériterait sûrement, mais c'est le genre d'individu qui s'est pas beaucoup vendu au Québec. Il est pas présent dans le milieu. Tu sais, Lafleur, on le voit partout, là, dans toutes sortes de circonstances. Patrick Roy, on le voit partout aussi, dans toutes sortes d'événements. Mais dans le cas de Mario Lemieux, c'est exceptionnel quand on le voit au Québec. Mais c'est vrai ce que tu dis pareil, parce que quelque part, Michel Goulet, on va se le dire, là, il n'y a pas juste l'aspect hockey. Il faut que tu sois une belle personnalité. Puis Michel, écoute, un gars de Péribonka qui va marquer 547 buts, je ne suis pas sûr qu'on va voir ça. Puis pourtant, il n'y a rien, là. Il n'y a rien à Péribonka, là. Puis effectivement, il a été intronisé au Temple de la Renommée de la Ligue junior majeure il y a quelques années. Ouais. Goulet a marqué l'histoire de la Ligue nationale, l'histoire des Nordiques. Moi, je pense qu'il mériterait effectivement au haut du lac quelque chose à son honneur puis à son effigie. Mais encore là, c'est tous des gars qui ont disparu du Québec. Ils sont pas réapparus au Québec, sont pas dans le milieu. Dans le cas de Mario, il reste même plus au Québec. Je pense qu'il reste aux États-Unis encore. Donc, ouais, c'est toutes ces choses-là qui font que souvent... Écoutez, à la baie, on a donné Dean Bergeron. Pourquoi? Mais Dean, là, il est toujours dans le milieu. Ouais. On le voit partout. Il donne des conférences. Il s'implique. Donc, c'est un peu ça aussi qui fait que souvent, on donne l'amphithéâtre. Ici, à Chicoutimi, écoutez, on a nommé Marina Larouche. Pourquoi? Parce qu'elle a été impliquée pendant des années dans le hockey mineur. Elle a été impliquée au niveau politique. Donc, elle a marqué le milieu. Donc, à ce moment-là, on veut souligner, on veut marquer l'événement. Mais quand ces personnes-là ne sont plus là maintenant, et la grande mode, faut pas se le cacher maintenant, on donne le nom des amphithéâtres à des commerces maintenant. Pourquoi? Ouais. Parce que ça rapporte de l'argent, puis on a besoin d'argent. Ben ouais. C'est le centre Vidéotron à Québec, le centre Bell à Montréal. Tu sais, je veux dire, c'est un peu tous ces endroits-là maintenant. C'est difficile de nommer le centre Bell Guy Lafleur. Tu sais, je veux dire, c'est un peu ça là aussi que mais, souvent les gens regardent. Tu sais, il y a quelque part, il y a quelqu'un. Je sais que c'est je trouverais pas ça fou. Ça arrivera pas là, mais j'aurais pas trouvé ça fou. Sur Twitter, j'ai fait la même remarque sur Facebook puis sur Twitter, puis il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a dit « J'aurais aimé ça que le Rocket s'appelle le 66 de Laval. » Tu sais, à quelque part, il a été fort avec les voisins de Laval. À Laval, il faut dire que le hockey junior a été une époque où c'était vraiment une religion. Le lundi soir, c'était le rendez-vous du hockey junior au Québec, le rendez-vous de tous les dépisteurs de la Ligue nationale. C'était le rendez-vous à Laval le lundi soir. Et ça, c'est à partir de Mario Lemieux, puis les années futures également. Mais le 66 de Laval, c'est sûr que ça n'aurait pas été un mauvais, mais là, on a nommé le Rocket. On a fait un concours public là-dessus, Puis je pense pas que ça a sorti, là. Non. C'est peut-être parce que personne ne l'a pensé aussi. Je verrais mal le Canadien nommer leur club ferme le 66 en honneur de Mario Lemieux, là. Oui, c'est sûr. Les séries, t'es-tu surpris de voir les Hurricanes dominer autant? Très surpris la manière... Mais eux autres, là, vraiment, je regarde, c'est leur gardien qui fait la différence. Ils jouent de façon impeccable, ils ont un très bon système de jeu, et ils sont opportunistes, disciplinés, puis Ben D'Amour fait un job colossal. On parle pas de lui beaucoup comme instructeur, mais le travail qu'il fait depuis qu'il est là, c'est un travail impeccable. Le nouveau propriétaire, également, a amené un souffle nouveau dans l'organisation. Cette organisation-là était moribonde avant, avec du négativisme. Il n'y avait pas beaucoup de hey, je voyais cette semaine les stars dans le coin, les vedettes sont toutes là maintenant au match. Pourquoi? Parce que il y a un engouement, un peu comme Las Vegas l'a eu l'an passé avec l'événement du hockey à Las Vegas. Actuellement, Caroline, ça fonctionne, ça va bien, l'équipe gagne bien, le nouveau propriétaire est enthousiaste. Il est impliqué dans le milieu, il est avec le monde. Donc, c'est toutes des choses qui font que l'équipe connaît du succès. Et deux, je veux dire, on n'a pas fait de transactions majeures, mais le club correspond. Et les joueurs vedettes, là, tu sais, exemple Jordan Staal, il fait le travail. Tu sais, c'est vraiment le leader de cette formation-là. Il est là depuis longtemps également. Et ça donne de bons résultats actuellement. Message que, tu sais, il faut jamais désespérer une franchise, hein, tu sais. C'est pour ça que Gary Bettman, à quelque part, les Coyotes de Phoenix, il tient pareil. Parce qu'il peut arriver une super vedette, là, l'équipe peut se mettre à gagner, puis on sait jamais comment ça peut virer de bord. Et l'année passée, à Vegas, là, on a créé un événement. Il n'y avait pas de vedette, là, dans cette équipe-là, ou presque pas. On a créé l'événement, on a créé une ambiance, on a dit une appartenance, et tout à coup, hop! Là, on a découvert Marc-André Fleury, Marchessault. Et là, on est allé chercher un ou deux joueurs. Et à partir de ce moment-là, ben, l'engouement est parti, puis ça fonctionne à tour de bras, puis tant mieux pour ces équipes-là. Mais la bonne nouvelle pour le hockey, moi, je pense que Bettman, là, tout le monde parle des codes d'écoute, parce que là, ils disent, ah, les gros marchés sont plus là. Mais c'est une bonne nouvelle pour la Ligue nationale de hockey que des marchés comme la Caroline, Vegas, je regarde un petit peu actuellement Columbus, des marchés qui n'ont jamais eu l'occasion... Vraiment, Columbus, je pense, c'est la première fois de l'histoire qu'il passe en deuxième ronde. Tu sais, à ce moment-là, ça donne un engouement pour la Ligue nationale. Ça permet également aux équipes de voir un peu, de dire, ben là, écoute, c'est pas rien fait pour les grands marchés, c'est pas fait rien pour les grandes équipes. On peut gagner, on peut trouver des formules et on avance dans le temps. Puis je trouve ça intéressant. Phil, un gros merci, on s'en parle vendredi prochain. Commentaire de Phil